Bonjour à tous, vous êtes bien sur La Belle Découverte. On est mercredi, il est 18h et on a décidé cette semaine avec l'équipe de vous parler d'un groupe en particulier et plutôt d'un artiste en particulier. Il s'agit de Wax Taylor. Wax Taylor, vous connaissez peut-être, hein, c'est un artiste qui fait une sorte de hip-hop électro et qui va vraiment dans le détail au niveau de ses programmations musicales, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à lui. Pour parler de Wax Taylor, l'idéal c'est encore d'écouter Elian qui nous a préparé une biographie sur le gaillard en fait, hein, tout simplement. Bah tout à fait, oui, Wax Taylor, alors c'est pas son vrai nom, en réalité il s'appelle Jean-Christophe Le Saout, donc c'est clair que ça fait un petit peu moins glamour pour percer dans le milieu. C'est ça. Donc il a trouvé un bon titre, il est né en 1975 à Vernon dans l'Eure, il a été un petit peu bercé dans les années 80 dans sa jeunesse par la culture hip-hop qui commençait à démarrer sur la scène européenne. Et il était un petit peu comme nous finalement, parce qu'il a démarré où ça? Et bien à la radio, dans une radio associative qui... Comme Stromae en fait. Stromae. Exactement. Aussi a commencé à la radio, sauf que lui est bien plus connu que Wax Taylor. Alors que, bon, bah ça se vaut pour moi. En tout cas, c'est au niveau du coup de cœur, c'est comme ça. Ah, ça se discute, mais bon, en tout cas, il a commencé sur Radio Droite Cité où il animait une émission où il a notamment interviewé NTM ou Cypress Hill, hein, qui sont des classiques du genre. Qui sont des monstres. Bah des monstres, ouais. On peut parler de monstres effectivement. Et donc, c'est là un petit peu qu'il a fait ses armes. En parallèle, il a monté un groupe qui s'appelait La Formule en tant que compositeur, producteur et manager, donc il avait déjà l'habitude de tout faire comme font les labels indépendants que tu promeus sur que La j'aime Découverte. Tant, oui. Et donc c'est là qu'il fait un petit peu ses armes, il diversifie donc rapidement ses activités, il travaille pour des DJ jusqu'à la fin de la décennie 90 et commence à se faire un nom petit à petit dans le milieu de la musique électro. Donc à partir de là, il va être toujours porté par sa volonté de casser les codes des différents genres musicaux, il souhaite produire une musique totale qui synthétise toutes les influences, donc c'est pour ça que sa musique est si éclectique, on va en parler tout à l'heure. The turn of the day, when all music fools come out to play, until the drunk turn of the night. So many stories to hear, so many cheeks to greet, and beautiful faces unseen. So many stories to hear, so many cheeks to greet, and beautiful faces unseen. What they were building, but no one could say. Sure. day when words become syllables, will you remember our day? I ask myself that question all the time. At a turn of the day when words become syllables, will you remember our days? Will you remember our days? Will you remember our days? Will you remember our days? Will you remember Wax Taylor commence à attirer l'attention de nombreux journalistes et de DJ en France comme aux États-Unis, mais c'est véritablement en 2005 qu'il prend son envol avec un premier album, Tales of the Forgotten Melodies, produit en totale indépendance, hein, qui a rapidement trouvé un public grandissant, notamment aux States, où l'album sort en 2006. C'est notamment sur cet album qu'il sortira l'un de ses titres les plus connus, Que Será, une reprise qui résume parfaitement l'esprit Wax Taylor. Il s'agit d'un sample d'une chanson populaire de 1956, donc ça date pas d'hier, et c'est grâce au succès inespéré de ce premier album et de ce titre qui parviendra à faire une première tournée à l'étranger, notamment aux États-Unis. Alors je pense qu'on a suffisamment parlé de Wax Taylor pour pouvoir avoir envie et légitimement de l'écouter. Ceci est donc la chanson dont on vient de parler, Que Será, avec Wax Taylor. Your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. Et nous sommes de retour dans la belle découverte, Que Será de Wax Taylor. Alors ça c'est la version de son premier opus, enfin c'est la première version de l'opus, puisqu'on découvrira ensemble justement que la sortie d'album dont on va parler, c'est Wax Taylor and the Phonovision Symphonic Orchestra, où il a demandé l'apport d'un orchestre symphonique et ça rend plutôt bien. Alors on va continuer de découvrir le bonhomme. Elian, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à lui ? Tout à fait, donc on a entendu Que Será qui date de 2005, donc déjà ça date pas d'hier, mais il poursuit sa carrière puisque en 2007 il signe la sortie d'un deuxième album, Hope and Sorrow, disque d'or en France, récompensé au Indie Music Awards aux USA dans la catégorie meilleur album électro, et nommé aux Victoires de la Musique en France. Donc ça montre aussi que des acteurs qu'on n'entend pas souvent sur la radio peuvent faire beaucoup de chiffres. Par la suite, les concerts s'enchaînent. L'année suivante, il produit le titre phare de la bande originale du film Paris de Cédric Lapiche avec Sigh the Day, avec la voix de sa chanteuse favorite, Charlotte Savary, qu'on a retrouvée dans les albums suivants et qui l'accompagne sur scène la plupart du temps pendant ses concerts. En 2009, il sort un troisième opus, In the Mood for Life, qui se retrouve également au disque d'or en France, donc deux disques d'or pour Wax Taylor, aussi nommé aux Victoires de la Musique. Fin 2010, il termine en apothéose une tournée mondiale de près de 150 dates en sortant un double CD à l'Olympia et donne dans la foulée une série de dates avec l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Rouen. Donc on parlait de son dernier album qui était enregistré avec un orchestre symphonique, il avait déjà tenté l'expérience en 2010. Wax Taylor a collaboré avec de nombreux artistes, hein, je cite comme ça au hasard Kezia Jones, Aloe Black, Charlie Winston, Charlotte Savary, donc qui est sa chanteuse favorite et qui l'accompagne souvent sur scène, Archive aussi pour les plus connus, mais aussi d'autres DJ et artistes électro qui sont très connus sur la scène musicale alternative. Notamment ESM qui est un groupe que j'apprécie particulièrement avec deux chanteurs à la voix grave dans le hip-hop, vraiment c'est spécial ce qu'ils font. Ils nous ont d'ailleurs gratifié de la chanson Say Yes qu'on écoutera juste après en version symphonique avec toi Elian. Mais oui, donc beaucoup de featuring pour Wax Taylor quoi. Oui, sa base c'est de sampler des voix et des vinyles. Sur son dernier album Dusty Rainbow from the Dark, ça représente un peu la quintessence de son travail. Pour l'aspect musique, il décide de revenir à l'essence du sampling. Il compose exclusivement à partir d'échantillons de vinyles sans avoir recours à aucune source enregistrée, hormis les voix bien sûr qu'il enregistre. Et il voulait un petit peu aussi faire une histoire. Du coup, il a demandé ni plus ni moins qu'à la voix de la BBC, Don McCorkindale, de venir faire la voix de ses albums. Vous savez, cette voix un petit peu rocailleuse qu'on entend, qui chante pas vraiment, mais qui est par-dessus, et une voix posée sur les samples musicaux. En tout cas, c'est vraiment la marque de fabrique de Wax Taylor, et c'est très sympa à écouter. Un petit mot sur le dernier album de Wax Taylor, justement, tu nous l'as un petit peu introduit, qui sortira le 3 novembre prochain, Phonovision Symphonic Orchestra, reprenant sa récente tournée en compagnie d'un orchestre symphonique composé de 35 musiciens et 17 choristes. Il s'agira là d'une odyssée qu'on pourrait qualifier de hip-hop orchestral, montrant une fois de plus la polyvalence et le talent de Wax Taylor. Et ben, je propose justement qu'on écoute avec le Symphonic Orchestra la chanson Say Yes, qui est gratifiée justement du featuring de ESM, un groupe vraiment qui dépote. D'ailleurs, c'est des Canadiens et des Allemands, on peut pas faire plus international, j'ai l'impression. On écoute ça tout de suite, c'est Say Yes. The song is Yesterday. Let's listen to the orchestra play Treasury Dance Show. Hands up, let me see them up in the sky. The hands up, get busy. Hands up, get down. Hands up, let me see them up in the sky. To say yes, if you think that you should speak, but you're fair to say yes. But we're all still keeping it real. Just say yes, if you got the spare to stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes. Say no, turn the plug, suck it down, cut some ass. Say no. Some buck shack and land. Say no. If you're fed up a bit, call to say no way, y'all. No way, y'all. This one is for the refugees, the child soldiers, carrying the weight of the world upon their shoulders. The homeless, come on. You two microphones, not afraid to raise the fist to use the groove against the opponents. Don't be warned for the Haitians. Ride for Rwanda. Yup. Kick it for the Congo. On the run for your mama. His mama. Bring the drama like a suicide bomber. For the people of Tibet. And the Dalai Lama. Passed over us, a few bags to keep on. The kind of crap designed to make you clap, yet we weep on. Trees gone, cut all across the globe, man. Can't nobody see we've had a holocaust before. Show what's the cost of hope and that of a democracy. No, it's liberty, freedom, and equality, you follow me? Yeah, fine. A call to peace now, spiritual, miracle, spiritual cleansing of minds to shout. We're to say yes, if you think that you should speak, but you can't say yes. From the art of still keeping it real, just say yes. If you got the spare to stand tall. Say no, no. When you're ready for some bucks, shag and land. Say no, no. If you're fed up a bit, no. Brawl, say no way, y'all. Two too long. Eyes been closed and blindfolded. A new dawn is rising now. The mind's old enough to know the stuff that be going on behind our backs. Roll with us, you might get to find the facts. Mind the gap, lift up your voices. Fists up, rejoice, it's a switch in the choices we must make. Bust fake and trust great minds. For the sake of our sons and daughters, yo, let's ride. Next up, fire up on the wicked man, pick a blend. One time for the parasites using bricks and pens to find the whims and exploit fellow man. Cloudy, allow me to quote yellow man with the zungu zungu zungu zungu zay. Manipulating boosters, neglecting the hands. Step to the end of the deepest dark forest. Hands are empty, but the souls are exposed. Say yes, think that you should speak with your fears. Say yes, for the heart is still keeping the band. Say yes, if you got a spare, but say it all. Say yes, yes, yo. Yes, yes, yes, yes. Say no, turn the blood, suck it down, press a man to say no. Some buck shack of man. Say no, no. If you're fed up of no. The broad, say no way, y'all. It has been written since the beginning of time. See, my brain is so insane, causing me to have pain like Tupac and Kurt Cobain. It's heavy ammunition like the artifacts, cause I strike back and be for real if you color me black. Like the minds for any day as I make this melee right away, cause I bust these speakers every day, damn. Check the method from the lyrical best stage black to drop a level when the mind is in stress. It's your soldiers at attention. Man, dig a trench and oh, did we forget to mention? We got the tatum on the tables for your bench and up go in the warfare. Bullets as we leap, but check them out, so it's all clear. Ready for attack, about to bridge a man, horizon under black. Oh, man, the last bowl of soup has been slurped. See, we gotta come together to make the shit work. Cause you can't, you won't, and you don't stop. Cause you can't, you won't, and you don't stop. Cause you can't, you won't, and you don't stop. Wax, wax, wax, wax. What do you want me to say? Nous sommes de retour dans La Belle Découverte et on a la chance d'avoir Anthony avec nous qui a fait des études de musicologie et qui s'y connaît quand même pas trop mal en musique pour nous faire un petit topo justement sur la construction musicale ou éventuellement ce qu'il a pu apporter Wax Taylor avec un orchestre philharmonique à ses chansons, ses créations hip-hop de base. Oui, comme tu le sais, je suis un grand puriste de la musique symphonique, donc pour le coup quand on te dit qu'un chanteur hip-hop va utiliser un orchestre symphonique pour créer un nouvel album, tu tends un peu toujours le dos, tu te dis ouais bon d'accord, un orchestre symphonique pourquoi pas, mais il faut encore savoir l'utiliser de bonne manière. Et là pour le coup je dois dire que je suis très très agréablement surpris parce que on pourrait s'attendre à ce que l'orchestre ne soit juste qu'un support à la voix et que finalement il sert pas à grand chose, ou alors qu'il fasse juste ce que faisaient les instruments des anciennes versions sans apporter énormément de choses supplémentaires. Et là on entend bien qu'il y a vraiment tout un orchestre de cordes, les violons, on entend même très très bien les contrebasses en fond. Eux pour le coup soutiennent vraiment les accords et l'harmonie de la chanson, mais on entend aussi énormément les cuivres, les trompettes, les trombones et parfois même beaucoup de pointes de flûte traversière, etc. Et pour le coup Et d'ailleurs la flûte traversière dans certaines chansons de Wax Taylor, c'était vraiment le gimmick de base, complètement. L'utilisation vraiment d'un sample qui a été enregistré, qui a été mis en valeur. Je sais plus c'est quel titre, mais ça a vraiment été son petit côté. En tout cas son sur scène plus. Il vient très souvent avec un de ses artistes favoris qui joue de la flûte traversière, et c'est l'instrument, un de ses instruments favoris qui est très souvent là dans ses concerts. En tout cas c'est vrai que moi Wax Taylor je connaissais pas énormément avant que tu me proposes de faire cette émission là, et donc du coup j'ai quand même écouté quelques chansons de ses albums précédents, donc où il n'y a pas l'orchestre symphonique, et c'est vrai qu'il utilise souvent des thèmes récurrents, un petit thème qui dure une dizaine, quinzaine de notes, mais qui se répète tout au long de la chanson et sur lequel il pose vraiment sa voix. Voilà, c'est du sampling en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un gimmick qui est réutilisé quoi. C'est une base mélodique qui est réutilisée de manière à faire vivre un petit peu la chanson, parce que que souvent, de toute façon, les artistes hip-hop, ils vont pas vraiment faire une mélodie. C'est même d'ailleurs la base du hip-hop. C'est vraiment de jouer sur la rythmique. Un gimmick derrière, c'est ce qu'on entend par exemple sur du Dr. Dre. Mais du coup, ça montre vraiment une évolution dans son travail à Wax Taylor, parce que là, pour le coup, la flûte traversière, il l'utilise d'une façon complètement différente. Toute la section cuivre qui apporte des petites touches comme ça sur des contretemps qui te donnent un peu de peps rythmiquement. Et la flûte, pareil, fait des petites envolées et c'est plus du tout un thème qui va être récurrent et sur lequel on va pouvoir s'appuyer tout au long, quoi. J'ajouterais d'ailleurs qu'au niveau de la flûte traversière, ça permet aussi de diversifier un petit peu ses titres, parce que ça donne des tonalités un peu plus aériennes, un peu plus oniriques à son travail, et donc on n'est plus dans le gros poum poum parfois qu'on entend sur des titres de hip-hop, mais c'est un peu plus mélodique, un peu plus rêveur. Et puis, en plus, pour un artiste de la scène électronique, utiliser un nombre assez important d'instruments acoustiques, donc de son réel, qui sont pas faits par ordinateur, qui sont vraiment des musiciens puis qu'on enregistre avec leurs instruments, c'est quand même très très intéressant, quand même quelque chose de, on va pas dire rare, mais de pas courant non plus, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est quand même une nouvelle mode dans la musique électronique de faire venir des instruments de musique acoustique sur scène, justement. Je pense notamment, bon là ça me vient comme ça, à Bakermat, mais quand il est sur scène, pourtant il fait quand même de la grosse musique électronique, il vient avec son tromboniste attitré, c'est le trombone qui vient jouer sur scène, c'est pas des sons pris sur ordinateur. Exactement le même délire, le même genre d'envie qui se positionne par exemple sur Chinese Man, quand ils ont voulu faire venir Deluxe avec eux sur les tournées, bah, par exemple sur les derniers shows qu'ils font ensemble, et ben voilà, on retrouve toute l'équipe vraiment de purs musiciens à la base, hein, de Deluxe, qui rejoint celle de hip-hop pur et dur, de production hip-hop qu'a Chinese Man avec leur chanteur à eux. Donc effectivement, il y a peut-être une nouvelle mode qui à mon avis donnerait des lettres de noblesse qui sont assez intéressantes au hip-hop. Et d'ailleurs, je trouve qu'on les ressent assez bien sur la chanson Positively Inclined. Je sais, je le dis très mal, mais je le dis aussi mal que Wax Taylor le joue aussi bien. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Like the wax on the table, insulation. Like what's wrapped around the cable, intonation. Treble bass, souls devil chasing with the revelation. Heavy crates and the bomb books near me. Mine's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory. Answer to your queries. We equal MC squared. Can you hear me? Say the mind, walking with the rhyme by the temple incline. And the tickle of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back. For beats and blends to a three-step and soul's bit. Man, so slow your ball, but don't fold your scroll. And that gold you're holding ain't shit. You doubt now. The all through the bass, eraser through the console. Soul. Sir, to turn the phrase, the last word, boss, six initiates. Now shift focus. Bye. loud shit smokers. Those loud hip hookers, hookers are the dopest, and I hope this. Folks said smoke this, cars all blow, then it's just too much to cope with this whole place. Oh shit, now the vote's ripped. I fight a microphone cord, oh lord, with the samurai sword. Jump all aboard, let's swarm the stores like some old whores. Cause it's F to the UNK, to the Y, P to the OET, the mad fly. The way that we flow on mics is sky high, keeping no seats free and not a single eye dry. Yeah, yeah, state of mind. With the rhymes by the Temple incline, and the tailor on the wax got the tracks that's refined. Front of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Yo, sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Hey, yo, check us out one time. One, two. Development the best in the best. Yeah, enveloped in the session. The session. Keep it mellow, no aggression. On a war tour like a tribe called Quest, and we dwelling on the section. And if you're small headed and stressing, then leave the fellas in recession. Take it says go with y'all. Continue the show and check the beat itself flow. And now you know, state of mind. Argue with the rhyme, positively inclined. And the trailer of the wax got the tracks that's refined. What of the kind? Sit back and recline. Get ass. Bends the bass in line. Check around with the. Let me hear you say wax, Taylor. Say wax, Taylor. Say wax, Taylor. Say ASM. Say ASM. Alors si j'ai bien compris, en fait, les structures des morceaux se ressemblent finalement. Enfin, peut-être pas forcément les structures, mais en tout cas la construction mélodique, Anthony. Finalement, on dira que l'orchestre, pendant les blancs de la voix, a des interludes qui sont, pour le coup, c'est vraiment une orchestration véritable d'orchestre symphonique et de partition symphonique. C'est pas juste 2-3 mesures à jouer pendant que le chanteur y reprend son souffle pour recommencer le couplet d'après. Il y a vraiment une orchestration avec des jeux entre les pupitres d'instruments. Moi qui écoute énormément de symphonies, d'une autre époque, hein, complètement, là on peut dire qu'il y a une orchestration qui est vraiment pensée, vraiment écrite pour orchestre symphonique et pas seulement pour soutenir une voix, et en rajoutant des petites pointes jazzy comme ça sur les envolées de cuivre et de flûte qui sont vraiment très très intéressantes. Mais alors justement, l'orchestre symphonique, en plus d'ajouter un vrai plus musical au son qu'il offre, parce que c'est un petit peu le mélange des genres entre un musicien électro et un orchestre symphonique, est-ce que ça serait pas aussi un bonus au niveau du spectacle? Parce que j'imagine qu'avoir juste un mec sur scène avec ses platines, c'est quand même autre chose que d'avoir un orchestre symphonique sur scène quand même. Déjà visuellement c'est certain. Si je me rappelle bien ce que t'as dit tout à l'heure, c'est 35 musiciens et 17 choristes, quelque chose ouais, comme tout ça à fait, ouais. Donc ça reste un orchestre symphonique très réduit pour de la musique actuelle, oui, c'est quand même suffisamment rare pour que ce soit appréciable. Complètement, quoi. Mais c'est vrai que déjà rien qu'avoir 35 musiciens avec leurs instruments, vraiment visuellement c'est déjà un plus énorme. Mais au niveau du son, c'est aussi un plus énorme, ouais, bien sûr, parce ouais, que t'as le son en direct de l'instrument, quoi. Donc, Et puis créer un petit peu nouveau genre en amenant tous ces musiciens sur scène, parce que c'était un créneau qui était pas vraiment utilisé jusqu'à présent, où on a vu Bakermat il vient juste avec son tromboniste attitré. On avait parlé de Chinese Man, il y a énormément de groupes de hip-hop comme ça qui essayent d'apporter de la musique vivante, on va dire, sur scène pour justement enjoliver un petit peu la production que eux ont fait en amont. Et c'est vrai que visuellement c'est vachement intéressant, mais ça se démocratise, quoi. Mais en termes de musique actuelle, en règle générale, il y avait déjà eu des incursions il y a une petite dizaine d'années, entre 5 et 10 ans, dans la chanson française, avec La Rue qui est à nous, par exemple, qui avait fait venir l'orchestre du Josem avec ouais, eux, et qui avait repris quasiment tous leurs grands tubes d'avant avec orchestre symphonique. Et l'album était juste grandiose, quoi. En fait, ceux qui ont un petit peu lancé cette idée-là, ce serait limite Metallica, quand eux ont été les premiers, justement, à utiliser des orchestres symphoniques pour sublimer un petit peu leurs mélodies. C'est vrai que c'est un petit peu eux qui ont lancé l'idée, donc on rend hommage au rock. Malheureusement, c'est bientôt la fin de cette émission, donc on va devoir vous laisser. Et sachez que vous avez la chance de retrouver Aurélie dans Sous toutes les cultures juste après nous là. Et puis nous la prochaine fois on parlera de Groundation. Alors Groundation, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de reggae qui fait justement un reggae vraiment développé, vraiment jazzy. Et on restera là justement avec toi Anthony pour parler un petit peu de la musicalité des choses, parce que c'est très très très très bien fait. Je sais, j'ai mis 4 traits mais ça les mérite au moins. On vous laisse avec Aurélie avec Sous toutes les cultures. Ensuite il y a Archiphonique et on se retrouve à 19h30 jusqu'à 20h pour le menu étudiant. Merci en tout cas d'avoir suivi La Belle Découverte et à bientôt.